Les éditions de l'Avenir présentent le résumé des aventures de Perry Rodden, tel que rédigé par Michel Vanhereux. Cycle 1, la troisième force. Les fascicules allemands numéro 30 et 31, écrits par Kottmar et W.W. Scholz, parus en 1962, apparaissent dans le volume français numéro 12, L'Empereur de New York, paru chez Fleuve Noir en 1968. Première partie, Nivose. Les 4, Gridios et l'Astrée 2, stationnés à 8 heures lumière de l'étoile double Beta Albireo, détecte l'immersion d'une puissante flotte. Une chaloupe largue un contre-torpilleur chargé de matériel. Il est piloté par Reginald Bull. L'émir téléporte les marchandises dans la grotte où ont trouvé refuge Julian Tiffler et ses compagnons. Le patriarche franc-passeur, Ed Stack, ordonne d'abattre le contre-torpilleur, mais l'Hélios intervient et lui permet de fuir. Holgans, qui a été contré d'appeler d'autres francs-passeurs à l'aide, fait amener son prisonnier terrien, Léo Musselli, sur Latz 21. Il est passé au psychodélieur et en sort l'esprit détruit, mais les francs-passeurs n'ont pu obtenir aucune information sur la planète de Jouvence. Il est ramené dans la Orla 11 à bord d'une secoupe. Quand celle-ci revient, l'émir se téléporte à bord pour être amené dans la nef capitale. Plusieurs soucoupes des francs-passeurs recherchent les terriens sur la planète glacée baptisée Nivose. Ceux-ci se rendent compte qu'ils sont repérés et les abattent. Un franc-passeur parvient à s'enfuir pour donner l'alerte. Sur Letz 21, l'émir recherche Estac. Il apprend que ce dernier s'apprête à faire sauter Nivose avec des bombes situées dans le Hall 7. Le mulot castor se téléporte dans la grotte où s'abrite l'éthérien. Ils creusent un tunnel avec leurs armes pour s'enfuir. Quand les francs-passeurs pénètrent dans la grotte, des grenades chargées d'un puissant générateur de gravité explosent ensevelissant les marchands galactiques. L'émir s'empare d'une soucoupe. Tiffler et Humphrey Highfield l'empruntent pour gagner le Hall 7 afin de le détruire. L'émir, lui, gagne Letz 21 avec Klaus Eberhardt. Il informe Estac de la présence d'une bombe sur le Hall 7. Letz 21 et la Orla 11 prennent la fuite tandis que l'équipage du Hall 7 le quitte à temps avant son explosion. L'émir informe John Marshall par télépathie que les agents qu'Holgans a laissés sur Terre sont en fait des robots. Perry Rodden décide de partir chercher de nouvelles armes, laissant les 4 et les Lios sur place. Tiffler et ses compagnons gagnent des cavernes naturelles situées près de l'équateur. Deuxième partie, la révolte des robots. L'Astrée 2 se matérialise dans le système solaire et regagne la Terre. C'est le chaos à cause des robots. Rodden et ses hommes agissent de nuit, alors que 10% seulement des robots sont encore en activité. Toutes les programmations sont effacées. À l'aube, tout est terminé, mais Rodden est inquiet car tout semble s'être trop bien passé. Les robots se déchaînent le matin. On comprend que les francs-passeurs ont modifié la première loi de la robotique pour qu'ils s'attaquent aux humains. Tandis que la troisième force mobilise toutes ses forces armées, Taro Kakuta part chercher Ivan Ivanovitch Gorachin, capable de détruire les robots par ses seuls pouvoirs. Les robots sont finalement défaits après un déploiement d'aviation et de chars. Mais le chaos s'étend au monde entier. Alan Demerkent informe Rodden que les robots ont instauré une monarchie à New York. Un robot secrétaire s'est autoproclamé empereur de New York et veut s'emparer d'Homer G. Adams. Il est détruit grâce à Rodden, mais un autre prend sa place. Tous les moyens disponibles sont déployés pour mettre fin à la révolte des robots. L'Astrée 2 a capté un message chiffré. Il a été émis depuis Titan, une lune de Saturne. L'Astrée 2 s'y rend aussitôt et est confronté à la chaloupe C1, disparue peu avant. Il se pose sur Titan et prennent le contrôle d'une base où ils retrouvent des terriens en mauvais état. L'Astrée 2 poursuit la C1, contrôlée par des francs-passeurs, jusqu'à Vénus et la détruit. Sur Terre, les robots ont été finalement détruits. Les fascicules allemands numéro 32 et 33, écrits par Clark Dalton, paru en 1962, apparaissent dans le volume français numéro 13, « L'étoile en exil », paru chez Fleuve Noir en 1969. Première partie, le soleil solitaire. 8 navires, sous le commandement du lourd Top Thor, sont aux limites du système solaire. Les lourds se sont développés jadis sur une planète à forte gravité, ce qui leur a conféré une stature imposante. À la tête de leurs croiseurs de bataille, ils sont le bras armé des francs-passeurs et font grassement payer leurs services. Top Thor a eu vent du secret de la planète de Jouvence par le réseau de robots espions implantés sur Terre. Perry Rodden veut rencontrer l'Immortel pour qu'il lui fournisse des armes nouvelles. L'Astrée 2 plonge le 17 août vers Delos, suivi par les navires de Top Thor. Tandis que l'Astrée 2 franchit l'écran qui dissimule Delos, Top Thor attend son retour. Pendant que Rodden s'approche, l'Immortel lui raconte la destruction de la planète Barconis. Il y a des millions d'années, son soleil s'est détaché de la Voie lactée et enfoncé dans le grand vide intergalactique. Les Barconides ont conçu un audacieux projet pour ramener leur monde dans la galaxie mère. Au moyen de gigantesques propulseurs, détacher la planète de son soleil et la ramener vers la galaxie mère en un voyage de plusieurs milliers d'années. Mais l'Immortel a vu l'échec de ce projet et l'explosion de la planète. L'Immortel prend possession du corps de Rodden et dans un petit vaisseau ultra-rapide, l'emmène dans un hallucinant voyage hors de la Voie lactée vers la planète Barconis. Le Terrien, que l'Immortel fait passer pour un représentant du gouvernement de la Galaxie Unie, est accueilli en triomphe par la population et les dirigeants. Il y a des millions d'années, Barconis fut le berceau des races humanoïdes de la galaxie. Ses astronefs ont déposé des colons sur d'innombrables planètes. Rodden montre aux Barconides l'histoire de la soi-disant Galaxie Unie, une simulation due à l'Immortel. L'Immortel, à travers le corps du Terrien, effectue une correction mineure dans un circuit électrique des centrales d'alimentation des propulseurs planétaires et empêche la destruction de la planète. La population de Barconis évacue la surface et gagne des abris souterrains en prévision du voyage à travers le vide intergalactique. Le vaisseau de l'Immortel entame son voyage de retour. Rodden se retrouve à bord de l'Astrée 2, une seconde après l'avoir quitté pour Barconis. Il reçoit deux transmetteurs fictifs capable de téléporter un objet sans station réceptrice. L'Astrée 2 émerge de l'écran de Delos et inflige une cinglante défaite aux lourds. Deuxième partie, Nivose en flamme. Près de Nivose, Estac décide de faire tuer le groupe de Terriens sur la planète. L'émir détecte les vaisseaux envoyés et détruit deux vaisseaux. Le Milo suggère aussi qu'il y aurait une vie sur la planète. et la capter des pensées étrangères. Touché dans son orgueil, le franc-passeur décide de détruire Nivoz par un incendie nucléaire. Old Gans atterrit sur Nivoz à bord de son vaisseau, la Orla 11, pour amorcer la bombe. L'émir et ses compagnons se dirigent vers le refuge des créatures que le mulot a détecté, une caverne avec un lac et un soleil artificiel. Les hibernantes sont des plantes semblables à des tulipes, douées de mobilité et télépathes puissants. Elles ont perçu la menace des francs-passeurs dans l'espace. L'émir se téléporte dans la Orla 11 et accuse Old Gans de meurtre sur la personne des hibernantes. Old Gans plaide l'ignorance et l'obéissance aux ordres d'Edstack, mais le mulot contraint le cargo à atterrir. Il ordonne que l'équipage quitte le vaisseau, puis le détruit, abandonnant les francs-passeurs à leur sort sur la planète promise à la destruction. Les francs-passeurs naufragés fuient devant l'incendie nucléaire qui ravage la planète, mais ils sont encerclés par les eaux et rattrapés par les flammes. Sans espoir d'une aide extérieure, ils préfèrent se suicider. Rastchubai se téléporte auprès de Stack, porteur d'un ultimatum de Rodden. Ce dernier lui donne 10 heures pour renoncer à son entreprise et quitter le système de Beta Albireo. Stack et ses capitaines décident de se battre jusqu'au bout. Les cargos de Stack attaquent les deux croiseurs terriens. L'Astrée 2 arrive enfin. Devant ce renfort, les francs-passeurs se retirent pour se regrouper. John Marshall localise Julian Tiffer et ses compagnons. Rodden fait envoyer au groupe un contre-torpilleur par transmetteur fictif, puis détruit la flotte de Stack à l'exception de deux vaisseaux, dont les équipages iront raconter cette terrifiante défaite aux autres francs-passeurs. Les hibernantes survivantes sont transplantées à Galactopolis. Les fascicules allemands numéro 34 et 35, écrits par Kurt Brandt et Kurt Marr, parus en 1962, apparaissent dans le volume français numéro 14, Mutant en mission, paru chez Fleuve Noir en 1969. Première partie, Leviathan, le traître. Depuis le 25 novembre 1982, Galactopolis est le siège du gouvernement mondial. Crest et Tora presse Perry Rodden de les laisser entrer à Arcanis pour demander le soutien du Grand Empire. C'est alors qu'un navire inconnu arrive dans le système solaire. Il s'agit du Lev 14 du paria Leviathan. Il cherche en vain à faire du chantage sur Rodden. John Marshall perçoit aussi dans son esprit une allusion à une grande assemblée des francs-passeurs à laquelle assistera Edstack. Les mutants John Marshall, Tako Kakuta, Tama Yokida et Kitai Ishibashi sont grimés en francs-passeurs. Ishibashi implante des souvenirs factices à l'équipage du Lev 14 pour les persuader que Rodden dispose de grandes installations industrielles et militaires et d'une importante flotte de guerre. Le Lev 14 se rend dans le système de 221 Tatlira. C'est sur la deuxième planète, Gozul, que se déroulera l'Assemblée des passeurs. L'équipage est mis aux arrêts, mais les mutants s'arrangent pour rester ensemble. Edstack se méfie de Leviathan et de ses soi-disant révélations sur la puissance de la Terre. Il pense à une manœuvre ourdie par Rodden. En captivité, Marshall lit des informations dans l'esprit du personnel indigène. Les francs-passeurs se font passer pour des dieux aux yeux des Gozulans, à qui ils ont imposé un barrage mental. Lors de la conférence, les francs-passeurs visionnent les films de Leviathan et examinent ses documents, mais personne n'y croit. Il est décidé de passer Leviathan au psychodélieur. Pour l'empêcher de parler, John Marshall prend le paria sous contrôle hypnotique et immobilise son cœur. Kakuta fait exploser la salle de conférence qui s'effondre. de nombreux passeurs trouvent la mort, et quantité d'autres, épouvantés par l'ombre de Rodden, quittent le système avec leur cargo. L'Astrée 2 et la flottille terrienne, les Cat, l'Hélios et le Centurion, s'éloignent prudemment. Les mutants essaient de quitter la planète à bord du Lev 14, mais le vieux vaisseau ne fait pas le poids et est rapidement abattu. Les naufragés se dirigent vers un port dans un archipel. Deuxième partie, au pays des dieux. Sur Gozul, les mutants croisent Vitusar Ologon, un gozlan, qui accepte de les emmener dans sa charrette. Marshall perçoit dans son esprit qu'il est très dubitatif sur la qualité de dieu que se sont octroyés les terriens déguisés en francs-passeurs. Le télépathe préfère lui révéler la vérité. Les mutants s'en font un ami sincère. Il les conduit à sa demeure, à Saluntal. Il se révèle être un riche armateur. La présence des mutants à Saluntad est soupçonnée par les francs-passeurs. Ils envoient leur agent, AG-25, qui se donne pour prêtre sous le nom de Unblend. Vitusar peut difficilement éviter de recevoir ce notable. Marshall ne parvient pas à lire ses pensées, car c'est en fait un robot. Unblend a identifié les mutants et tente de piéger Vitusar Ologon en le faisant accuser de sacrilège. Mais Marshall permet d'éventer la machination. Les accusations sont détournées sur Unblend, qui est lynché par la foule. Sa nature de robot n'est cependant pas révélée. Vitusar met à la disposition des mutants un de ses voiliers. Les terriens veulent gagner le pays des dieux, le continent en or où sont installés les francs-passeurs. Se débarrassent de trois chaloupes venues les intercepter, puis se cachent dans les collines du continent nord où ils sont rejoints par l'émir, envoyé par Rodden. Marshall sent une troisième personne s'immiscer dans ses échanges mentaux avec l'émir, le télépathe Gozlan, qui ne semble pas non plus porter les dieux dans son cœur. Informé des desseins des terriens, il promet de ne pas les perturber. Les fascicules allemands numéro 36 et 37, écrits par Clark Dalton, parus en 1962, apparaissent dans le volume français numéro 15, L'offensive d'oubli, paru chez Fleuve Noir en 1969. Première partie, le fléau des dieux. Pour conquérir pacifiquement la planète Gozul, sans que les francs-passeurs devinent d'où vient l'attaque, l'émir a amené une arme bactériologique qui provoque une amnésie totale chez les victimes. Les mutants terriens entrent en contact avec les membres de la résistance Gozlan, dont le télépathe Anzali. John Marshall suggère d'utiliser les Gozlans pour répandre le mal d'oubli sur la planète. L'équipage d'un voilier est infecté par la maladie. Le continent austral et l'archipel sont gravement touchés. Alors que les mutants et leurs alliés Gozlans continuent à propager l'épidémie, les vaisseaux des francs-passeurs, qui s'étaient réfugiés en orbite, se posent à nouveau sur le spatioport, à la grande surprise des terriens. Les Mirs partent en reconnaissance et remarquent que les cartes stellaires du vaisseau montrent le secteur du système solaire. Les Mirs font son rapport à Marshall, qui a du mal à croire que les passeurs veuillent encore attaquer la Terre après leur précédente défaite. Devant ce cas d'urgence, il appelle Perry Rodden. Ce dernier avalise une proposition de l'émir. Contaminer directement les participants à l'assemblée si une attaque contre la Terre est décidée. Les mutants s'introduisent dans la salle de l'assemblée où Hextak et Ralgar convainquent leur père de lancer un assaut contre Sol 3. Les terriens utilisent donc leur arme bactériologique et contaminent les patriarches. Plus tard, les cargos plongent les uns après les autres dans l'hyperespace. Rodden a conclu que les effets de la contamination se sont fait sentir là aussi. Les quatre vaisseaux terriens se posent sur le spatioport. Les Gozlans commencent à se réapproprier leur planète, mais les gouverneurs francs-passeurs épargnés par l'épidémie lancent leurs robots à l'attaque. Grâce aux mutants, les robots sont désactivés sans trop de dégâts pour être remis aux Gosliens. L'émir est envoyé en ambassade auprès des gouverneurs. Deuxième partie, le croiseur conquis. Radon et les résistants Gosliens rencontrent les gouverneurs francs-passeurs restés sur Gozul. Enzali lit dans l'esprit du gouverneur en chef l'existence d'un navire doté des dernières innovations techniques en construction dans les montagnes. L'émir part en reconnaissance sur le chantier, supervisé par un seul ingénieur, Borator. Radon envoie le sergent Harnahan pour surveiller une escadre des lourds. Le jeune homme pose son chasseur sur un satellite de 221 Tatlira 4. Il découvre une sphère énergétique avec qui il converse. Il s'agit d'un être vivant, multimillénaire et unique, puissant télépathe et capable de montrer des images de lieux très éloignés. Il aide Radon et les Terriens en échange d'énergie pour lui permettre de quitter la planète plus vite que prévu. Toptor se pose avec deux vaisseaux sur le spatioport de Gozul, désert. Des Gozlans, grimés en malades, se présentent et des robots semblent affectés. Les lourds décollent et foncent au chantier pour protéger le croiseur en construction. Prudent, Toptor débarque en chaloupe, revêtu d'un spatiandre. Il rencontre Borator, qui manifeste les premiers symptômes de la maladie. Sous le contrôle de Kitai Shibashi, l'ingénieur affirme au lourd que sa patrouille est d'ores et déjà contaminée, malgré les spatiandres, et que les cerveaux positroniques des robots résistent encore moins que les êtres vivants à l'épidémie. Toptor panique et s'enfuit. Les Terriens conservent ainsi le croiseur sans apparaître à visage découvert et sans effusion de sang, conformément au plan de Radon. Au large de la quatrième planète, la mystérieuse sphère entre en communication avec Radon et l'assure de ses bonnes dispositions envers les Terriens, ce que confirme Harnahan. Elle prédit un contact futur avec Radon. Les fascicules allemands numéro 38 et 39, écrits par Kautmar et Kahashir, parus en 1962, apparaissent dans le volume français numéro 16 « À l'assaut d'Arconis », paru chez Fleuve Noir en 1970. Première partie, le Ganymède. Le Ganymède, le croiseur récupéré sur Gozul, part de la Terre le 10 mai 1984 à destination d'Arconis. Son commandant est le colonel Michael Fred. L'astronef émerge en pleine bataille spatiale. Un survivant est récupéré, mais il meurt bientôt. Crest a pu sonder son esprit et a appris qu'un peuple s'est soulevé et qu'Arconis a frappé. Le Ganymède doit s'enfuir devant une escadre de 9 Arconides qui ne répondent pas au code de reconnaissance émis. Dora et Crest appellent Arconis. Un vaisseau est envoyé à leur rencontre. Il est commandé par le Naat Noval. Il est chargé de les amener sur Naatii, Arconis 5. Le Ganymède est pris dans le rayon tracteur du croiseur Arconide. Perry Radon tente de s'y arracher et obtient la preuve que les nefs Arconides sont commandés par des robots. Le Ganymède se pose sur Naatii. Un champ d'énergie l'empêche de décoller. Noval leur conseille d'appeler Ser de Tefron, l'administrateur du Grand Empire, mais celui-ci ne répond pas à leurs appels. Reginald Bull, Radon et Taco Kakuta s'introduisent de nuit dans la maison de Serg. Tora et Crest sont convoqués au palais de Serg, où ils retrouvent Radon. Serg explique qu'un gigantesque cerveau-pée fut jadis construit en cas de décadence des Arconides. Il s'est activé 6 ans plus tôt. L'empereur de la dynastie des Oltral a dû abdiquer. Les Terriens cherchent à neutraliser le réseau d'énergie bloquant le Ganymède. Ils sont paralysés par du gaz, puis enfermés dans une pièce dont ils parviennent à s'échapper, mais alors qu'ils veulent désactiver le champ, ils sont plongés dans l'inconscience par un court-circuit psy. Les Terriens se réveillent dans le Ganymède. Des robots les y ont emmenés. Radon réunit ses hommes, reconnaissant qu'il a sous-estimé les Arconides. Deuxième partie, le sang pareil. Des nefs arcanides se posent sur Naati pour embarquer des soldats Naats. Radon fait préparer une gazelle pour une mission. Le transmetteur fictif l'envoie directement sur le monde de Cristal, une des trois planètes constituant Arcanis. Elle se dirige vers la colline des Sages, siège du gouvernement. Les Terriens rendent visite à l'empereur Orcaste 21, mais celui-ci se dit impuissant face à la machine. Il leur conseille d'aller voir Kynos, un membre du Conseil des Sages, chargé du choix et de l'entraînement des nouvelles recrues. Les Terriens sont accueillis par Kynos, qui reconnaît en eux leur potentiel. Il propose de les faire passer pour des natifs d'une planète coloniale afin qu'ils puissent s'emparer d'un astronef. Une chaloupe emmène les Terriens sur Arcanis III, où ils voient deux nouveaux vaisseaux de la classe Univers de 1500 mètres de diamètre. Tora reçoit le commandement de l'un d'eux, le Vist Arc. Fret appelle Radon et l'informe que Novaal a découvert son absence. L'alerte est déclenchée. Et Ganymède lève son écran protecteur. Le Vist Arc décolle et les Terriens doivent affronter une armée de robots à l'intérieur. Le Ganymède ouvre le feu pour se dégager et rejoint le Vist Arc. Les deux vaisseaux fuient ensemble. Le Ganymède et le Vist Arc se replient à trois années-lumière d'Arcanis. Fret informe Radon que Serg comptait lui confier une mission sur les ordres du grand coordinateur, la machine régnant maintenant sur le Grand Empire. Les éditions de l'avenir vous ont présenté des résumés du cycle 1, des fascicules 30 à 39, des aventures de Perry Radon, telles que rédigées par Michel Vanhereux. Vous pouvez le trouver à radon.stellark.com. La musique utilisée est de Kevin MacLeod, incompetech.com et Christian Martin. Cet enregistrement est diffusé sur Contra Creative Commons, Sharealike, et est une production 2013 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.